بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرع اليوم في مراجعة رسالة قيمة عظيمة القدر صغيرة الحجم كبيرة الفائدة والمحتوى ألا وهي رسالة ثلاثة الأصول لمؤلفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى التميمي رحمه الله تعالى 1115 زيد عليها 90 سنة كم؟ 1215 المتوفى سنة 1205 من الهجرة رحمه الله رحمة واسعة فهذه الرسالة جمع فيها مؤلفها رحمه الله الأصول الثلاثة والأصول الثلاثة هي الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها كل إنسان في البرزخ كل إنسان في البرزخ وهي قول الملكين للمقبور من ربك وما دينك ومن نبيك فجمعها في هذه الرسالة وبين الإجابة عنها وذكر الأدلة على الإجابات فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإدراكها وحفظها والعمل بها ثم الدعوة إليها والصبر على كل أذى في ذلك كله. Donc nous allons commencer aujourd'hui la lecture ou la révision d'un livre qui s'intitule Les Trois Fondements. Les Trois Fondements et leurs preuves, qui a été écrit par l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah, qui est né en 1115 et décédé, rahimahullah, en 1205. Rahmatullahi alayh. Il avait plus ou moins 90 ans, à l'âge de 90 ans lors de son décès, rahimahullah. Et ce livre est en vérité un détail fait sur les trois questions posées à toute personne après sa mort, dans l'étape intermédiaire, entre la vie d'ici-bas et entre le jour du jugement, qui est la vie intermédiaire, qui s'appelle Al-Barzakh. Qui s'appelle Al-Barzakh. Et ces trois questions-là posées à toute personne après sa mort sont: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que disais-tu sur cet homme qui vous a été envoyé, qui est Mohammed ibn Abdullah? Qui est Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et donc il a recueilli dans ce petit livre ces trois questions-là et leurs réponses, tout en mettant les preuves et les détails sur chacune des réponses. Nous demandons donc à Allah Azza wa Jal de nous faciliter la compréhension de ce livre et de comprendre les réponses à ces trois questions-là et de nous permettre d'œuvrer avec cela et ensuite d'y appeler les gens et ensuite de nous doter de la patience et l'endurance face à toute difficulté que nous pouvons rencontrer dans ces étapes-là, à savoir l'apprentissage, l'application et la prêche. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله في بداية هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به والثالثة الدعوة إليه والرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc, voici la première partie que nous allons entamer, inshallah ta'ala, qui est la parole de l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il commence en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Sache, donc il dit cela à toute personne qui entend ou qui lit son écrit. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre choses, ou quatre points. La première chose, c'est qu'il faut apprendre. La première chose, c'est la science, et il faut apprendre sa religion. Et la science consiste à connaître Allah, et à connaître son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à connaître la religion de l'islam. La science est englobée dans trois choses. La connaissance d'Allah, et de son prophète, et de la religion de l'islam. Et ce, avec les preuves à l'appui. Après avoir appris tout cela, vient la deuxième étape, qui est l'amal bihi, l'application de tout ce que nous avons appris dans ces trois points-là. Et après cette deuxième étape, qui est l'application, vient la troisième étape. Et cette troisième étape, c'est l'amal, c'est da'watu ilayh. C'est le fait d'appeler notre entourage à cette vérité. Et la quatrième et la dernière étape, c'est l'endurance et la patience face à tout ce que nous pouvons rencontrer comme difficulté de la part de nos propres personnes ou des gens dans cela. Car il y a dans l'apprentissage de la fatigue et des efforts fournis, également dans l'application. Et encore plus dans l'appel à cela. Car il y a des gens qui vont refuser, il y a des gens qui vont te repousser, il y a des gens qui vont peut-être aller jusqu'à t'insulter ou autre. Donc il faut de la patience face à ça. Et ensuite le cheikh, il avance un dalil du Qur'an al-Karim sur ces trois ou sur ces quatre choses, à savoir l'apprentissage, l'application, la prêche et la patience. Et tous ces quatre points sont réunis dans Sourate Al-Asr, Sourate le temps, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, dont le sens est par le temps, ou dans un autre avis, par l'après-midi. Les deux existent. Donc par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui ont eu la foi, qui ont accompli les bonnes actions, qui se sont recommandés mutuellement la vérité et qui se sont recommandés mutuellement la patience. Donc toute personne est en perdition, elle est vouée à la perdition et à la perte et au péril, sauf les gens qui réunissent ces quatre choses-là en eux, à savoir la foi. Et comme les ulama, ils ont dit, la foi ne peut être correcte si ce n'est avec l'apprentissage. La aqida et le dogme de la personne ne peut être correct, si ce n'est en apprenant l'aqida. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru, et qui ont accompli à la suite les bonnes actions. Et on sait que les bonnes actions ne sont acceptées que si elles sont basées sur la bonne croyance et la bonne foi. et qui se sont recommandés mutuellement cette vérité. Donc, qui ont appelé les gens à cela. Et qui se sont recommandés mutuellement la patience. Donc, qui se sont également recommandés la patience et l'endurance face à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans ces trois choses-là. L'imam Shafi'i rahimahullah, donc l'auteur continue en disant, l'imam Shafi'i rahimahullah a dit concernant cette sourate qui est sourate al-Asr, si Allah n'avait fait descendre que cette sourate comme preuve établie contre l'humanité, elle aurait suffi. Elle aurait suffi. Et nous allons voir le sens de la parole de cet imam, rahimahullah. Et cela ne veut pas dire, il ne faut pas comprendre que cette sourate est suffisante et que le reste du Coran ne sert à rien. Non, erreur. Erreur. Cela veut dire tout simplement que cette sourate englobe toutes les choses que le musulman doit faire, à savoir l'apprentissage, l'application, la prêche et la patience. Mais cela ne veut pas dire que tout l'islam est contenu dans cette sourate et que celle-ci suffit. Et qu'on n'est pas obligé de chercher après ce qu'il y a dans le reste du Qur'an. Ensuite, la parole d'Al-Bukhari, rahimahullah, dans son recueil qui dit sous-chapitre, deux points, toute parole et acte doit venir après l'apprentissage. Toute parole et acte doit venir après l'apprentissage et non pas avant. Et la preuve sur cela est la parole d'Allah, dont le sens est « Sache, ô Mohammed, qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée sauf Allah. Et ensuite, après cela, demande pardon pour tes péchés. » Il a donc commencé, donc l'imam al-Bukhari, il dit, Allah a donc commencé par ordonner à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'apprentissage et la connaissance, puis seulement, il lui a ordonné d'œuvrer et de demander pardon pour ses péchés. Donc il a commencé par l'ilm, la connaissance. Sache que celui que tu dois adorer et à qui tu dois demander pardon, c'est Allah. Et ensuite, demande pardon pour ton péché. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, on va lire l'explication de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahmallah, sur ces quelques petits passages. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahmallah, nous dit « Qawluhu bismillahir rahmanir rahim » Awalan, alayna an na'lam anna al-muallif, rahmallah, ibtada'a hadhihi al-risala bil-basmala li-asbabin mu'ayyana. ذكر منها الشيخ ثلاثة السبب الأول قال اقتداء بكتاب الله عز وجل فإنه مبدوء بالبسملة والسبب الثاني ذكر الشيخ اتباعا لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر وفي رواية فهو أقطع يعني لا فائدة فيه ولا خير فيه كل أمر ذيبال يعني مهم لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر وفي الرواية فهو أقطع وأما السبب الثالث الذي يذكره الشيخ ابن عثيمين الذي من أجله ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة فهو الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يبدأ كتبه أي رسائله الكتاب هو الرسالة في الأصل كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ الكتاب بالبسملة ويبدأ الخطاب بالحمد لله والصلاة على نفسه كان يبدأ الكتاب بالبسملة والخطاب اللفظي بالحمد لله والصلاة على نفسه فهنا المؤلف يكتب إذن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيبدأ كتابه بالبسملة بالبسملة. Donc tout d'abord, Ibn Uthaymin, rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, nous dit que l'auteur a commencé son livre par « Bismillahir Rahmanir Rahim » et ce pour plusieurs causes. Et il en cite trois. La première cause pour laquelle les savants commencent leur livre par « Bismillahir Rahmanir Rahim » c'est pour prendre exemple, pour prendre pour exemple en cela, le livre d'Allah Azzawajal. Car Allah subhanahu wa ta'ala commence son livre par Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Azza wa Jal commence son livre par Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc pour prendre un exemple, le livre d'Allah, les savants de manière générale, et l'auteur ici présent, commence, et l'auteur de ce livre ici présent commence son livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La deuxième raison, c'est l'application du hadith suivant. Toute chose importante qu'on ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est nulle. Il n'y a aucun bien dans celle-ci. Toute chose importante qu'on ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ne contient pas de bien. Hadith rapporté par Suyuti dans le Jami' al-Saghir. Hadith d'Abu Huraira radhiyallahu anhu. Et la troisième raison pour laquelle l'auteur commence son livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est pour prendre en exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait ses écrits et ses lettres par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tandis qu'il commençait ses discours verbaux par Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait ses écrits par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc il l'a pris en exemple dans ça. Et il commençait ses discours par Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc combien de causes pour lesquelles l'auteur a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Hussein? Trois. La première? Il prend un exemple sur Allah spontané. Le livre d'Allah Azza wa Jal. La deuxième cause? Le hadith. Namahi? Le hadith. Tu peux nous citer le hadith? Toute chose qui commence pas par Bismillah. Toute chose importante? Il n'y a aucun bien dedans. La troisième cause? Prendre l'exemple. Harry? Pour suivre les écrits. Du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Prendre en exemple les écrits du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Illa anna haditha. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر فهو أقطع هذا الحديث الذي أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لعبد القادر الرهاوي من الأربعين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلا أن هذا الحديث ضعفه محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله ضعفه الشيخ الألباني هذا حديث ضعيف مذكور في ضعيف الجامع برقم 17 و42 ضعيف الجامع 17 و42. Sauf que la deuxième cause que le cheikh cite, qui est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute chose importante qu'on commence par Bismillah ne contient pas de bien, ce hadith est déclaré faible par le muhaddith de notre époque, Mohammed Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et ce, dans son livre Da'if al-Jama', les hadiths faibles de l'Jama', numéro 4217. Bien que d'autres muhadithines, tels que Cheikh Arnaout, si je ne me trompe pas, l'a jugé bon. Une divergence entre les savants sur l'authenticité du hadith, de ce hadith, et les deux autres causes suffisent. Pour commencer, par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thumma qala al-Sheikh Bismillah jarun wa majrur, muta'alliqun bimahdufi fi'lin, bimahdufin, fi'lun mu'akhar, munasibun lil-maqam, تقديره بسم الله أكتب أو أصنف وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال وقدرناه مؤخرا لفائدتين اثنتين الأولى التبرك بالبداء بسم الله سبحانه والثانية إفادة الحصر لأن التقديم المتعلق يفيد الحصر وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ ما يدرى بماذا نبتدئ لكن بسم الله أقرأ أو بسم الله أكتب يكون أدل على المراد الذي أبتدئ به. Ensuite le cheikh il a donné un petit détail grammatical sur le basmala, bismillah, chose qui va être un peu difficile à traduire, néanmoins je vais tout de même essayer. Bismillah jarun majrur. Bismillah, jarun wa majrur. Ça, c'est un peu difficile à traduire. C'est possible, mais ça ne va pas être très compréhensible. À la kulli hal. Bismillah, au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Et cette phrase, au nom d'Allah, elle a une suite qui est sous-entendue. Et cette suite, c'est un verbe qui est sous-entendu à la fin de la basmala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ensuite, il y a une phrase, il y a un verbe qui est sous-entendu à la fin de cette basmala. Et pourquoi il est sous-entendu? Et pourquoi il est à la fin de la basmala et non pas avant? Il est sous-entendu car à la base, les actes sont définis par des verbes. Car à la base, les actes sont définis par des verbes. Et pourquoi est-ce qu'il est à la fin? Pour deux causes. Pour deux causes. La première, c'est que cet acte qui est sous-entendu et que nous allons citer, il est fait en recherchant la baraka qui est dans le nom d'Allah Azza wa Jal. En recherchant le baraka qui est dans le nom d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'on l'a précédé par Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, je fais cet acte. Et la deuxième raison pour laquelle il vient directement après le basmala, c'est parce que si on place le verbe avant, au nom d'Allah, il se peut qu'on fasse cet acte au nom d'Allah et au nom d'autre qu'Allah. Mais si on le met après, au nom d'Allah, eh bien on ne peut faire cet acte que au nom d'Allah, Azza wa Jal. Dit plus clairement, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est suivi par un verbe sous-entendu qui est « je lis » ou « j'écris ». Lorsque l'auteur a écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il voulait dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, j'écris. Tandis que nous, lorsque nous lisons Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous-entendu, je lis. Et pourquoi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Pourquoi je lis et pourquoi j'écris au nom d'Allah? Pour deux raisons. Premièrement, pour rechercher la baraka d'Allah. Pour rechercher la baraka qui est dans le nom d'Allah, dans la lecture. Dans la lecture. Ou dans n'importe quel acte par lequel on commence par Bismillah. Pour rechercher la baraka, la bénédiction et la facilité d'Allah Azza wa Jal et le bien dans cette chose. Et la deuxième raison pour laquelle on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, eh bien c'est tout simplement pour dire que c'est au nom d'Allah que je fais cette chose et au nom de personne d'autre. Et c'est une forme de monothéisme et de tawhid. C'est une forme de monothéisme et de tawhid. Et pourquoi je ne cesse de répéter que le verbe est à la fin et non pas au début? Parce que si on dit « Aqra'u bismillah », il se peut que je lise au nom d'Allah et au nom d'autre qu'Allah. Mais si je dis « Bismillah », je lis. Au nom d'Allah, je lis. On est en train de dire « C'est au nom d'Allah que je lis et au nom de personne d'autre ». Et c'est ce qu'on appelle en langue arabe « Al-Hasr ». Al-Hasr. Al-Hasr. C'est-à-dire que c'est au nom d'Allah et personne d'autre que je fais cet acte. Et donc on voit clairement que le cheikh a commencé son livre déjà par le tawhid. Déjà par le tawhid. Et on comprend encore plus pourquoi le Coran commence par le basmala. Et on comprend encore plus pourquoi le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam commence ses écrits par le basmala. Parce que c'est son message. Et c'est celui de tous les prophètes. D'ailleurs. Donc pour deux raisons. Pour deux raisons on commence. Ou plutôt pour deux bénéfices. On commence par le basmala. La première faïda, c'est de rechercher le baraka. Et la deuxième faïda, c'est de montrer clairement que c'est au nom d'Allah et personne d'autre qu'on fait cet acte qui est la lecture ou l'écriture ou autre parmi les actions. Thumma qawluhu Allah, bismi Allah. Allah alamun ala al-bari jalla wa ala. Wa huwa al-ismu alladhi tatba'uhu jami'u al-asma'. حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. لاحظ قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ثم لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية نأتي للمنعوت. Ensuite, que veut dire le mot Allah? Allah, c'est un nom propre par lequel on désigne l'essence du Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est un nom propre par lequel on désigne l'essence du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi le Cheikh dit, c'est le nom par lequel on désigne l'essence du Créateur, subhanahu wa ta'ala? Tout simplement car le nom Allah n'est pas un attribut. Il ne contient pas d'attribut. C'est pas comme Ar-Rahman qui contient l'attribut de la miséricorde. Ar-Rahim qui contient l'attribut de la miséricorde. Al-Basir qui contient l'attribut de la vue, etc. Allah ne contient pas d'attribut. C'est un nom propre qui désigne le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est le nom vers lequel reviennent tous les noms et attributs d'Allah, Azza wa Jal. Quand on dit Rahman, c'est un attribut d'Allah. Ar-Rahim, c'est un attribut d'Allah. Al-Malik, c'est un attribut d'Allah. Al-Basir, c'est un attribut d'Allah. Al-Mani, Al-Mu'ti, c'est l'attribut d'Allah. Tous les noms et attributs reviennent à Allah. Et Allah, c'est le nom propre par lequel on désigne le Créateur, Jalla wa Ala. Et remarque cela dans la parole d'Allah, surat Ibrahim, versets 1 et 2. Surat Ibrahim, versets 1 et 2, Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, « Ceci est un livre que nous avons fait descendre à toi, ô Muhammad, afin que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, et ce, par l'autorisation de leur Seigneur, vers le chemin du puissant et le digne de louange qui est Allah. » À qui appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. Je répète, vers la voie du puissant et le digne de louange, qui est Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Sirat al-Aziz al-Hamid, Sirat al-Aziz al-Hamid. Taïb, هذا لفظ الجلالة أو اسم من أسماء الله الحميد العزيز الحميدي مجرور. لماذا مجرور؟ لأنه مضاف إليه. صح؟ لأنه مضاف إليه. صراط العزيز الحميد مضاف إليه الله إذن الله أيضا مضاف ثالث إذن هو تابع للعزيز الحميد دونك اون بارل دو مام إذن هذا يدل على أن العزيز الحميد اسمان يرجعان إلى لفظ الجلالة الله عز وجل غمك دو سا بارول pour les guider vers la voie du puissant, le digne de louange, qui est Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Donc on voit clairement que le nom puissant et digne de louange revient à qui ? À Allah. Donc Allah, c'est celui vers qui reviennent tous les noms et les attributs. Ça, c'était pour Bismillahi. Bismillahi. Ensuite, Ar-Rahman, ismu min al-asma' al-mukhtassa billahi azza wa jal. لا يطلق على غيره والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة ثم الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره ومعناه ذو الرحمة الواصلة وقال بعضهم الرحمة الخاصة فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة وقال بعضهم الخاصة فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. Maintenant, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Et c'est un nom que l'on ne peut attribuer qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre ne peut être nommé Ar-Rahman, si ce n'est Allah. Contrairement à Ar-Rahim. On peut appeler une personne Rahim. On peut appeler une personne Rahim. Mais on ne peut pas appeler une personne Rahman. Pourquoi ? Car Ar-Rahman, c'est un nom qui fait allusion à l'attribut de la miséricorde qui est générale et à laquelle ont droit toutes les créatures sans exception. Rahman al-Wasi'a. Et chaque créature existante, petite ou grande, apparente ou invisible, connue ou inconnue, est bénéficiaire de cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qui est la miséricorde générale pour toutes les créatures, et qui est contenue dans son nom, Ar-Rahman. Et c'est pour cela qu'on ne peut appeler personne d'autre à part Allah, Ar-Rahman. Parce que qui peut prétendre faire miséricorde à chaque créature ? Personne. Si ce n'est leur créateur, Jalla wa Ala. Tandis que Rahim, c'est le nom d'Allah Azza wa Jal qui fait allusion à l'attribut, alhamdulillah, qui fait allusion à l'attribut de Rahman, Alhamdulillah, qui fait allusion à l'attribut de la miséricorde qui est spécifique et à laquelle seuls ont droit une partie de la création d'Allah Azza wa Jal, qui est favorisée. Qui sont-ils ? Les croyants. Les croyants. Donc Ar-Rahim, c'est le nom qui contient l'attribut d'Allah de la miséricorde à laquelle ont droit seulement les croyants. Seulement les croyants. Et le dalil sur ça, que le cheikh ne cite pas ici, et que Cheikh Zayd al-Matrali cite dans Sharh Kashf al-Shubuhat, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, « Wa kana bil mu'minina rahima »« Wa kana bil mu'minina rahima » Et envers les croyants, il est rahim. Il est miséricorde d'une miséricorde spécifique, qui est l'iman ou l'istiqam. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, lorsqu'on réunit Ar-Rahman et Ar-Rahim, on fait allusion à la faveur d'Allah Azza wa Jal, qui est le fait qu'il donne une miséricorde générale et qu'il la fait parvenir à qui il veut parmi ses serviteurs. Parce que Cheikh Al-Uthaymin, il dit que Ar-Rahman, c'est celui qui a la miséricorde générale, et Ar-Rahim, c'est celui qui a la miséricorde, c'est celui qui fait parvenir sa miséricorde à ses serviteurs. Lui, il ne dit pas la miséricorde spécifique, mais il dit que Ar-Rahim, c'est celui qui fait parvenir la miséricorde jusqu'à ses serviteurs. Et c'est pour ça qu'il dit que si on réunit Ar-Rahman et Ar-Rahim dans une seule phrase, comme dans Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, si on réunit Ar-Rahman et Ar-Rahim dans une seule phrase, on est en train de dire que Allah, c'est celui qui fait parvenir sa grande miséricorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Et la preuve, c'est la parole d'Allah dans sourate l'Araignée, verset 21. L'araignée, verset 21. Certes, il châtie qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut. Et c'est vers lui que vous retournerez. Ensuite, l'auteur, rahimahullah. Donc jusqu'ici, on a appris combien de choses ? Pourquoi il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ? Que veut dire vraiment Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ? On a appris quels sont les bénéfices de commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et on a appris que veut dire Allah. Et on a appris que veut dire Ar-Rahman. Et on a appris que veut dire Ar-Rahim. Et on a appris que veut dire la jonction entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. D'accord ? Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre choses. D'avoir la science sur quatre choses. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous fait un petit point sur la science et l'apprentissage. Il nous fait un petit point sur la science et l'apprentissage. Brièvement, il dit « قوله اعلم يشير أو ينبهنا أو يدفعنا إلى طرح سؤال وهو ما معنى العلم؟ ما هو العلم؟ فيجيب رحمه الله ويقول العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما وقال غيره من أئمة السلف العلم هو ما تبينته هو ما تفهمته وتبينته وتيقنته لذلك قال إدراكا جازما لأن الإدراك لابد أن يكون مصحوبا بيقين بيقين لا تقول أظن أني فهمت كذا فأنا عند العلم ليس عندك علم العلم هو أنك تفهم وتتبين وتتيقن وتجزم أنك أدركت المسألة هذا هو العلم donc le cheikh il dit la science ou le savoir c'est le fait de comprendre la chose sous sa vraie forme et de manière sûre et certaine. La science et le savoir, c'est le fait de comprendre la chose sous sa vraie forme et de manière sûre et certaine. Et c'est pour ça que d'autres parmi les pieux prédécesseurs ont dit que la science, c'est ce que tu as compris et ce que tu as éclairci dans ton esprit et ce sur quoi tu as la certitude d'avoir acquéri. Car la science, ce n'est pas de croire que nous avons compris telle ou telle chose. Non, ce n'est pas ça la science. Ce n'est pas de croire qu'on a compris telle ou telle chose. La science, c'est, après avoir compris, de l'avoir détaillé et bien éclairci dans ton esprit, et ensuite l'avoir mémorisé et être sûr que tu l'as acquis réellement. Là, tu peux dire, j'ai la science dans ce point-là. D'ailleurs, donc le cheikh, il dit, la science, c'est de comprendre la chose sous sa vraie forme et de manière sûre et certaine. الإدراك مراتب. المرتبة الأولى نمر عليها سريعا. المرتبة الأولى في الإدراك هي العلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. والثانية هي الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، إدراك لكن ليس بالكلية. والثالثة الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. والمرتبة الرابعة هي الوهم، والوهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. والخامسة هو الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو. والمرتبة السادسة هو الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. المهم هذا إن شاء الله لا أترجمه لأنه قد يشوش وقد لا يفهم تماما، وقد لا أكون يعني قد لا أقوى على ترجمته ترجمة واضحة. ثم يقول الشيخ، والعلم ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. علم ضروري وعلم نظري. فالعلم الضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن النار حارة مثلا. وأما العلم النظري فهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الوضوء. Ensuite, le cheikh nous dit que la science est le savoir, et ce que l'homme sait, se divise en deux catégories. Ce que nous savons en nous est de deux types. Tout ce que nous savons, dans la religion ou autre, ou dans la vie de manière générale, tout ce que nous savons se divise en deux catégories. Ilmun daruri, une science acquise et naturelle, qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts pour acquérir. Comme le fait de savoir que le feu brûle, c'est chaud. Ou que l'eau éteint le feu. Ou que al-juz'u min al-kull. Comme le fait de savoir que quelque, c'est une partie de tout. Comme le fait de savoir que l'enfant est plus petit que le grand et que le grand est plus petit que l'enfant. Toutes ces choses-là font partie de l'ilm ad-daruri, font partie du savoir acquis chez l'être humain. On n'a pas besoin d'étudier des années ou de faire des recherches pour savoir que le feu brûle ou que l'eau éteint le feu, ou que le petit est plus grand, plus petit que l'enfant est plus petit que le grand et que le grand est plus grand que le petit. Ça s'acquiert naturellement. C'est acquis naturellement. Tandis que la deuxième partie du savoir, c'est un ilm nadari. C'est une science que nous avons, c'est une science qui nécessite un effort et une recherche et un apprentissage. Comme le fait de savoir que l'intention est une condition pour la validité des ablutions et de la prière. Avant de l'avoir lu ou appris, est-ce que nous le savions? On ne le savait pas. Avant d'avoir appris que le tawhid a trois catégories, seigneurie, divinité, nom et attribut, on le savait? On ne le savait pas. Et ainsi de suite. Le savoir est de deux catégories. Acquis et naturel, et nécessite, et la deuxième catégorie, celle qui nécessite une recherche et un effort. هذا فيما يخص قوله اعلم. Ça, c'était concernant sa parole sache, apprends. Sache et apprends. طيب. قوله رحمك الله. يعني أفاد الله عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو بها من محذورك. فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما استقبل منها. هذا إذا أفردت الرحمة. أما إذا قرنت الرحمة بالمغفرة فالمغفرة لما مضى والرحمة هي التوفيق للخير والسلام من الذنوب في المستقبل. وصنيع المؤلف يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له. Quant à sa parole, qu'Allah te fasse miséricorde. Hein, Abdurrahman, qu'Allah te fasse miséricorde. Lorsque l'auteur dit qu'Allah te fasse miséricorde, il veut dire par là qu'Allah déverse sur toi sa miséricorde et qu'il te facilite l'acquisition de tout ce que tu veux. Qu'il te facilite l'acquisition de tout ce que tu veux et qu'il te protège et te préserve de tout ce que tu crains. Et le sens de cela, c'est qu'Allah te pardonne tous tes péchés passés et qu'il te préserve de tout mal dans le futur. Ça, c'est si on parle que de Rahma. Si on te dit, Ya Rahimak Allah, qu'Allah te fasse miséricorde. Seulement la Rahma. Seulement la Rahma dans le dua. Si une personne te fait le dua, seulement de la Rahma. Juste qu'Allah te fasse miséricorde. Point. Juste la miséricorde. Dans ce cas, il veut dire par là, qu'Allah te pardonne tous les péchés et te préserve du mal à venir. Ça, c'est contenu dans le dua de la rahma, dans l'invocation de la rahma. Mais si maintenant la personne venait à te dire « Ghafar Allahu laka wa rahimak » qu'Allah te fasse miséricorde et te pardonne. Si il joint la miséricorde et la demande de pardon, dans ce cas, cela voudrait dire qu'il demande à Allah Azza wa Jal de te pardonner tous tes péchés passés et qu'il te préserve de tout mal dans le futur, il n'y a ni que chacun des deux invocations reprenne son sens à lui seul. À lui seul. Et le fait que l'auteur te dise qu'Allah te fasse miséricorde, qu'Allah te fasse miséricorde, il veut dire par là, cela prouve qu'il a de l'affection. Qu'il a de l'affection envers celui qui est devant lui dans l'assise, à ce moment-là, rahimahullah, et qu'il a de l'affection envers celui qui va lire son livre. Et qu'il a de l'affection et de la miséricorde envers celui qui va entendre son livre. Et qu'il a de l'affection envers celui qui va appliquer et enseigner ce livre. Donc cela prouve qu'il a de l'affection envers Talib al-Ilm, envers celui qui veut apprendre sa religion. Il a de l'affection envers celui qui veut apprendre sa religion et qui va passer par ce livre. وقوله أربع مسائل هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تشمل الدين كله فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها وانتبه لقوله تشمل الدين كله فهذا يدلنا على قول الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم قال الشيخ ابن عثيمين تشمل الدين كله تشمل الدين كله يعني فيما يجب على المسلم. Ensuite l'auteur رحمه الله dit quatre choses. Donc sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il faut qu'on apprenne quatre choses. Quatre choses. Maintenant, le cheikh, il vient aux quatre choses. Il dit ces quatre choses-là dans lesquelles on va rentrer ou qu'on va entamer, elles englobent toute la religion. Donc, il faut que le musulman leur donne toute l'importance. Car ces quatre choses-là, si le musulman les apprend, il aura appris un grand bien dans sa vie. Il aura appris un grand bien dans sa vie parce que c'est ce qui va lui montrer le chemin dans sa vie de musulman. Et remarquez, je vous rappellerai au moment où on arrivera à la parole de Shafi'i, lorsque Cheikh Al-Uthaymeen il dit que ces quatre points-là englobent toute la religion. Rappelez-vous de la parole de Shafi'i, si Allah avait fait descendre que cette sourate comme preuve pour l'humanité, elle aurait suffi. Et ici, Cheikh Al-Uthaymeen il dit quoi? Ces quatre points que nous allons apprendre englobent toute la religion. Vous voyez? Ensuite, il cite la preuve qui est sourate Al-Asr, ensuite l'imam Shafi'i dit quoi? Cette sourate aurait suffi. On revient à la parole de Cheikh Al-Uthaymeen ici, ces quatre points englobent toute la religion. Voyons voir ces quatre points. Al-Ula, la première, Al-Ilmu, wa huwa ma'rifatu Allahi wa ma'rifatu Nabiyyi wa ma'rifatu dini l'Islam bil Adilla. La première chose, c'est de connaître. La première chose, c'est d'apprendre sa religion. Et l'apprentissage de sa religion est englobé dans le fait d'apprendre à connaître Allah et à connaître son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à connaître la religion de l'Islam. Et tout cela avec les preuves à l'appui. Car sans preuve, ta foi et ta croyance et ta prêche ne pèsent rien. Sans preuve et sans science, tes actes et ta prêche ne valent rien. C'est pour ça qu'Allah a dit, sache et apprends que la ilaha illallah et ensuite, seulement, demande pardon. Fabada'a bil-ilm, qabla al-qawla'am. Et tout cela avec les preuves à l'appui. قال الشيخ العثيمين قوله معرفة الله أي معرفة الله بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده قال تعالى وفي الآيات آيات وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Tout d'abord, connaître Allah. La science, c'est d'apprendre à connaître Allah. Connaître Allah dans son cœur. Connaître Allah veut dire qu'on doit connaître Allah Azza wa Jal dans notre cœur et va découler de la connaissance d'Allah le fait de se soumettre et d'appliquer tout ce qu'il a légiféré dans sa religion. Et de se soumettre à ses obligations et de lui obéir, subhanah, et d'appliquer sa législation et tout ce avec quoi son messager sallallahu alayhi wa sallam est venu. La connaissance d'Allah dans son cœur va donner comme résultat, donc le fait d'apprendre à connaître Allah par ses noms et ses attributs, va donner comme résultat le fait d'appliquer sa religion, d'apprendre et d'appliquer sa religion. Et sa religion, c'est tout ce avec quoi est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme parole et acte. Sa religion, c'est tout ce avec quoi est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme parole et acte. Mais une question se pose, comment apprendre à connaître Allah? Comment apprendre à connaître Allah? Tout d'abord, on connaît Allah en étudiant les textes du Coran et de la Sunna et ce qu'ils contiennent comme nom et attribut d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, on apprend à connaître Allah en observant les signes qu'Allah a mis dans sa création autour de nous. Et plus l'être humain observe les miracles et les créatures qui se trouvent autour de lui, plus sa foi va augmenter. Et plus sa connaissance, et plus la connaissance de son créateur va augmenter. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Dhariyat, versets 20 et 21, il y a sur terre des signes pour des personnes qui ont la certitude. Et il y a également des signes en leur propre personne. Ne voit-il pas? Je répète les versets, dont le sens est: il y a sur terre des signes pour des personnes qui ont la certitude. Et il y a également des signes en leur propre personne. Ne voit-il pas? Ne voit-il pas? ثم معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم أي معرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق وتصديقه فيما أخبر وامتثال أمره فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتحكيم شريعته والرضا بحكمه قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعد قوله يعني قول الرسول لعله إذا رد بعد قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Quant à sa parole, rahimahullah, la connaissance de son prophète. La connaissance de son prophète, c'est-à-dire la connaissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le musulman se doit de chercher à connaître cet homme qui est le meilleur des hommes alayhi salatu wa sallam. Et lorsque le musulman va apprendre à connaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va découler de cela l'acceptation de tout ce avec quoi il est venu sallallahu alayhi wa sallam parmi la religion de vérité. Et il va le croire dans tout ce dans quoi il l'a informé, parmi les choses visibles ou invisibles, parmi les choses de cette vie et également de l'au-delà. Et va découler également en le fait de croire en lui sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'appliquer tout ce qu'il a ordonné et le fait de délaisser tout ce qu'il a interdit et le fait d'appliquer toutes ses règles et ses enseignements tout en agréant cela, tout en acceptant pleinement cela et tout en l'agréant. Et non pas en se disant « Ah, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire, mais je n'aime pas trop. » Non ! Le fait d'aimer le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, et de croire en lui et de le suivre véritablement, c'est le fait de appliquer ses enseignements et de les suivre de plein gré. De plein gré. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, sourate les femmes, verset 65, « Partons Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'appelleront comme juge dans ce qui cause ceci entre eux. Et ensuite, après que tu aies jugé entre eux, ô Muhammad, qu'ils ne trouvent aucune gêne en eux concernant ce que tu as décidé et qu'ils s'y soumettent pleinement. » Également, dans sourate La Lumière, verset 51, Allah Azza wa Jal dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, dans le sens du verset, ils ne seront croyants, non, plutôt, les croyants ne sont que ceux qui, lorsqu'ils sont appelés à Allah et son messager, afin d'appliquer leur jugement, ils disent, nous avons entendu et nous avons obéi. Les croyants ne sont que ceux qui disent, en entendant le jugement d'Allah et son messager, les croyants ne sont que ceux qui, après avoir entendu le jugement et le verdict d'Allah et son messager, nous avons entendu et obéi. Et ce sont eux, certes, les gens qui réussissent. Ou ce sont ceux-là, les gens de la réussite. Également, Allah Azza wa Jal dit dans Sourate les Femmes, verset 59, qu'ils prennent garde ceux qui contredisent les ordres du messager. Qu'une épreuve les touche ou qu'un douloureux châtiment s'abatte sur eux. Afouane, ça c'est dans Sourate la Lumière, verset 63. Sourate la Lumière, verset 63. Également, Allah Azza wa Jal dit dans Sourate les Femmes, donc, verset 59, et si vous vous disputez sur une chose, alors ramenez-la à Allah et son messager. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier, cela sera meilleur, cela serait meilleur et d'un éclaircissement, cela serait mieux et d'un éclaircissement meilleur. Et après avoir lu la parole d'Allah Azza wa Jal, qui prennent garde ceux qui contredisent le messager, qu'une épreuve les touche ou qu'un douloureux châtiment s'abatte sur eux, l'imam Ahmed rahimahullah a dit, savez-vous quelle est l'épreuve difficile ou quelle est la dure épreuve qui pourrait yani, toucher les personnes qui contredisent les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Savez-vous, l'imam Ahmed rahimahullah nous dit, savez-vous c'est quoi l'épreuve difficile qui pourrait s'abattre sur une personne après qu'elle ait contredit les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'imam Ahmed a dit, cette épreuve qui pourrait s'abattre, c'est le polythéisme. Comment donc? Il dit, il se peut qu'une personne, à force de rejeter les sunan et les traditions et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se détourne de sa religion et tombe un jour ou l'autre dans le polythéisme, qui est tout le contraire de la religion et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Quant à sa parole, wa ma'rifatu din al-islami, wa ma'rifatu din al-islam, al-islam bil ma'na al-am, هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله. قال تعالى عن إبراهيم ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم فاليهود مسلمون في زمن موسى والنصارى مسلمون في زمن عيسى عليه السلام عليهما السلام وأما حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا Quant à sa parole est la connaissance de l'islam. La science, c'est la connaissance de l'islam. L'islam a deux sens. L'islam, bien sûr, l'islam, c'est la soumission, d'accord ? La soumission a deux sens. Un sens général et un sens précis. L'islam a un sens général et un sens précis. Le sens général, c'est la soumission au Créateur, la soumission à Allah Azza wa Jal, avec l'adoration qu'Allah a légiférée. Peu importe par la cause de quel prophète et quel livre et quelle époque. Peu importe le prophète, le livre ou l'époque et la législation, l'islam de manière générale, c'est la soumission à Allah et son adoration. De manière générale. Peu importe l'époque et le prophète de qui on parle. Peu importe le prophète de qui on parle. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla l'a dit dans Sourate la Vache, 128, Sourate la Vache, verset 128, concernant Ibrahim alayhi salam, il a dit dans un verset dont le sens est, en parlant d'Ibrahim, ô Seigneur, fais de nous deux musulmans, fais de nous deux soumis. C'est-à-dire, il parle de lui et son fils Ismaël. Fais de nous deux soumis pour toi, ainsi que notre descendance. Fais de nous tous une communauté muslimat al-laka. Fais de nous tous une communauté soumise pour toi. Soumise pour toi. Ça, c'est l'islam de manière générale. C'est la soumission à Allah à toute époque. Quant à l'islam, avec son sens précis, c'est l'islam qui est connu depuis l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux habitants de la terre, qui est le dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et car la religion avec laquelle est venu sallallahu alayhi wa sallam et la législation et les nouvelles règles qui ont abrogé les anciennes, etc., avec laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, c'est une religion et une législation qui a abrogé toutes les législations précédentes. Donc toute personne qui a cru en son message après qu'il soit venu est considérée comme étant musulmane, soumise. Et toute personne qui a rejeté son message après qu'il soit venu, même s'il acceptait les messages précédents, est considérée comme étant kafirun, mécréant, négateur, car il a rejeté le message qui est venu abrogé. Il est venu de la part de qui ? De la part d'Allah, Azza wa Jalla. De la part d'Allah, Azza wa Jalla. Tout comme le message de Isa alayhi salam, Jésus est venu de la part d'Allah. Tout comme le message de Moussa alayhi salam est venu de la part d'Allah. Tout comme le message d'Ibrahim alayhi salam est venu de la part d'Allah. Idris, Houd, Saleh, Ismaïl, Yaqub, Ishaq, Suleyman, Wahakal. Tous leurs messages sont venus de la part d'Allah. Azza wa Jal, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ Nous t'avons révélé à toi, ô Mohammed, comme nous avons révélé à Nuh, premier prophète, ainsi qu'à tous ceux qui sont venus après lui. Men il mutakallim, qui est-ce qui parle dans ce verset ? Allah Azza wa Jal. Donc cette religion islamique, c'est la seule religion qui est acceptée par Allah Azza wa Jal. Et la preuve sur cela, c'est la parole d'Allah dans Surat la famille de Imran, verset 19. Donc le sens est... La religion chez Allah, c'est l'islam. Et dans la parole d'Allah, toujours, surat la famille d'Al-Imran, la famille d'Imran, verset 85, donc le sens est, Et celui qui recherche autre que la religion, celui qui recherche autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui. Et il fera partie des perdants le jour de la résurrection. Donc cette religion qui est l'islam, c'est la religion par laquelle Allah Azza wa Jal, ou c'est la religion par laquelle Allah Azza wa Jal a donné comme bienfait à la communauté, à la communauté. C'est la religion qu'Allah Azza wa Jal a révélée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par laquelle il a favorisé sa communauté et tous ses suiveurs. Qu'il soit sans religion lors de son arrivée alayhi salatu wa sallam ou qu'il soit chrétien ou juif, car énormément de chrétiens et de juifs sont rentrés dans la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sont donc restés dans la soumission d'Allah Azza wa Jal. Donc ce fut un bienfait également pour eux. Et voire plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui ont cru à son message tout en étant chrétiens et juifs avant son arrivée ont une double récompense. Pourquoi ? Car ils avaient déjà cru au message d'avant et ils ont cru à la suite du message. Ils ont deux fois la récompense. Contrairement à ceux qui étaient complètement polythéistes et sans religion, qui ont cru à son message, qui ont une seule fois la récompense de la soumission et de l'acceptation du message. Taïb ? Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal n'a jamais été injuste envers les gens du livre. N'a jamais été injuste envers les chrétiens et les juifs. C'est plutôt eux qui ont été injustes envers eux-mêmes en refusant le message d'Allah Azza wa Jal et en lui attribuant des enfants. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun. Et Allah Azza wa Jal a clôturé la religion par le message qu'il a envoyé, par le message qu'il a révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous le dit clairement dans Sourate la Table Gardée, verset 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Quant à sa parole, avec les preuves à l'appui. Donc on a vu qu'il faut apprendre. Et l'apprentissage, c'est quoi ? C'est le fait de connaître Allah et son prophète et l'islam. On a vu comment apprendre à connaître Allah Azza wa Jal et on a vu comment apprendre à connaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est-il et qu'est-ce que ça veut dire croire en lui et qu'est-ce qui découle de cela, hein, le fait de lui obéir, d'accepter ce avec quoi il est venu, etc., etc. Et ensuite on a vu qu'est-ce que l'islam de manière générale et qu'est-ce que l'islam de manière précise, mais tout cela pas de manière générale, bil adilla, avec preuve à l'appui, car je répète, nos actes et nos paroles et notre prêche à notre entourage, en commençant par les bien-aimés, on est les plus proches, et ensuite les plus lointains, ces paroles et ces actes et ces prêches ne vaut rien si elle n'est pas accompagnée de preuves à l'appui. Bil adilla, avec preuve à l'appui. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, al adilla tu jam'u dalil, wa huwa ma yurshidu ila al matloub, wa al adilla tu ala ma'rifati dalik, sam'iyyatun wa aqliyyatun. فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدل على الله تعالى وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة السمعية فمثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وكذلك بالأدلة العقلية وبالنظر والتأمل فيما أتى به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله واشتمل هذا الكتاب على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة وما جرى على يديه من خوارق العادات وما أخبر به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها. Et enfin, avec preuve à l'appui. C'est quoi une preuve ? Que veut dire la preuve ? La preuve, c'est ce qui va... Allez, comme cela. C'est ce qui va te convaincre d'une chose en te la montrant clairement, à l'œil nu, après quoi tu n'auras aucun doute. Après quoi ? Allez, comme cela. Après quoi tu n'auras aucun doute sur ce que la personne t'a rapporté. Lorsqu'une personne te rapporte une information sur Allah Azza wa Jal ou sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sur une personne quelconque et qu'elle t'apporte sa parole ou bien la parole d'une personne qui la rapporte de manière sûre, noir sur blanc, avec la page, avec le verset, avec le numéro, avec le chapitre, avec yani, la source, aussi précise soit-elle. Est-ce que tu auras un doute après cela ? Aucun doute après cela. Oui, la personne l'a réellement dit dans son livre, tel chapitre, tel volume, telle page, tel passage, telle ligne, tel paragraphe. Tu n'auras plus de doute. Ça, c'est ça le dalil. La preuve, c'est ce qui va te permettre d'arriver, c'est ce qui va te permettre de vérifier l'information rapportée de manière sûre. Et les preuves sur la connaissance d'Allah et son messager et sa religion, elles sont de deux types. En vérité, il y a plus que deux types de preuves, mais le cheikh, il en cite deux. Tout d'abord, les preuves textuelles, les preuves qui sont dans le texte, et ensuite, les preuves qui émanent de la raison. Qui émanent de la raison. Donc, les preuves textuelles, c'est ce qui est dans le Coran ou le Sunna, et qui est infalsifiable et intouchable. Tandis que les preuves qui émanent de la raison, c'est ce qu'on va déduire à la suite de notre observation et de notre méditation. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim, il dit à de nombreuses reprises, et parmi ces signes, il y a ceci et cela. Et il vous suffit d'observer. Observez autour de vous les signes. Parmi ces signes, il y a ceci ou cela. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ المهم ومن آياته الشمس أو من آياته الليل والنهار والشمس والقمر par exemple. Et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour et le soleil et la nuit. Le soleil et la lune. Ce sont des choses qu'on observe. Il nous appelle à observer. Il nous appelle à observer de nous-mêmes afin de voir que ces choses-là ne peuvent exister subitement et seules. Taïeb. Également, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran أَخُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُوا الْخَالِقُونَ. Ont-ils été créés sont-ils apparus subitement ou se sont-ils créés eux-mêmes? Bien sûr, aucune des deux réponses n'est possible. Est-ce que nous sommes apparus comme ça subitement sur Terre? Impossible. Et est-ce que nous nous sommes créés nous-mêmes? On n'existait pas. Comment on pouvait se créer nous-mêmes? Regardez comment Allah Azza wa Jalla éveille nos raisons. Jalla wa ala. Donc, les preuves sont textuelles et donc les preuves sont dans les textes et également dans la raison qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnée. Et tout comme les textes, tout comme la raison, nous permet de comprendre qu'Allah Azza wa Jalla existe. Jalla wa ala. Également, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être acquise également à l'aide de ces deux types de preuves. Premièrement dans les textes du Coran. Allah Azza wa Jalla dit clairement, dans le sens du verset, Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad est le messager d'Allah. Également, il dit, subhanahu wa ta'ala, Muhammad n'est autre qu'un messager. Avant qui, il y a eu bon nombre de prophètes et de messagers également. Également, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut s'acquérir par les preuves qui sont dans la raison. Tout simplement en observant ce avec quoi il est venu comme miracle. Et ce qu'il nous a donné comme information à venir et qui se sont réellement réalisés. À titre d'exemple, il a informé Quraysh que la lune allait se fissurer. Et effectivement, elle s'est fissurée. Maddalil, اقتربت الساعة وانشق القمر. L'heure s'est rapprochée et la lune s'est fissurée. La lune s'est fondue. طيب. هذا من الأدلة. صح. Le fait qu'il allait vaincre الفرس والروم, qui étaient les deux plus grandes puissances mondiales à cette époque-là, les Perses et les Romains. Tout le monde le prenait, tout le monde se moquait de lui lorsqu'il disait ça, alayhi salatu wassalam. Mais il les a vaincus. Il les a vaincus. Et il a eu leur terre. Et il a établi l'islam sur leur terre, alayhi salatu wassalam. Et autres parmi les informations qu'il a données au début de son message et qui se sont réalisées. Et d'autres choses qui ne se sont réalisées qu'après sa mort, alayhi salatu wassalam. Et des choses qui ne se sont pas encore réalisées. Mais dont les signes commencent à apparaître et qui vont seulement arriver. Peut-être en notre vivant ou peut-être après notre mort. Et ainsi de suite. Taïb et tout cela sont des preuves qui éveillent la raison de la personne et qui prouvent la véracité de son message. Sallallahu alayhi wa sallam. Hein? لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها صدقها ما وقع منها. Ce genre d'informations ne peuvent être données que à l'aide d'une révélation. Que à l'aide d'une révélation. المسألة الثانية وهي الدعوة إليه. La prêche et l'appel à ce, cette vérité. والثالثة نعم العمل به عفوا الثانية العمل به والثالثة الدعوة إليه. Ensuite il faut appliquer tout ce qui découle de cette science. Et après avoir appliqué, il faut y appeler les gens. Il faut y appeler les gens. Car le musulman se doit de conseiller les gens et de ne pas les laisser dans un égarement. قال الشيخ العمل به أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية فالعبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج والعبادات المتعدية كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وما أشبه ذلك والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى ومن عمل بلا عمل ومن علم ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود وأما الدعوة إليها الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله في قوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن والرابع قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولابد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله هذا شرط العلم حتى تكون الدعوة من على علم وبصيرة لقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي وفي كيفية الدعوة في حال المدعو عالم بما يدعو إليه وعالم بالحكم عالم بما يدعو إليه وعالم بكيفية الدعوة وعالم بحال المدعو ثلاث أشياء ومجالات الدعوة كثيرة منها الدعوة إلى الله بالمخاطبة والدعوة إلى الله بإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله بالمقالات ومنها الدعوة إلى الله بحلقات العلم والدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف والدعوة إلى الله في المجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة مثلا فهذا مجال للدعوة إلى الله ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه لذلك سوف لا نطيل ونتوقف هنا لا ملل فيه ولا إثقال ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلا كما هو معلوم والدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل صلى الله عليه وسلم وطريقة من اتبعهم بإحسان فإذا عرف الإنسان معبوده ونبيه ودينه من الله ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوتهم إلى الله وليبشر بالخير قال النبي لعلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم خيبر أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق على صحته ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم أيضا من دل على خير فله مثل أجر فاعله يوم كلوتور إن شاء الله avec les deux points suivants qui sont l'application du savoir et la prêche et l'invitation de notre entourage vers ce savoir. Tout d'abord, il faut savoir que l'application de la connaissance d'Allah, qu'est-ce que l'application de la connaissance d'Allah ? On a appris à connaître Allah. C'est bon, on a terminé. comment appliquer la connaissance d'Allah Azza wa Jal. On applique la connaissance d'Allah Azza wa Jal en appliquant ce qu'il nous a ordonné, subhanahu wa ta'ala, et en mettant en application ses ordres et en délaissant ses interdits. Que cela soit des ordres et des obligations et des adorations générales ou des adorations qui s'appliquent aux autres. Des adorations générales telles que la prière, le jeûne et le pèlerinage, et également des adorations vis-à-vis des gens, telles que le fait de leur conseiller le louable et de leur interdire le blâmable, hein, ou encore le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal avec ses règles et ses conditions, non pas comme on voit autour de nous à l'heure actuelle, et autres parmi les adorations qui se font vis-à-vis des autres. Et en vérité, il faut savoir que l'application et l'œuvre et l'adoration ne sont autres que le fruit de la science et l'apprentissage. فَإِنَّ الْعِلْمَ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَ وَإِلَّا ارْتَحَلْ. Les actes sont le fruit de l'apprentissage. Et sans apprentissage, il n'y a pas d'actes. Et s'il y a des actes, ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Et le cheikh, il dit, celui qui œuvre et qui fait des adorations et qui fait des choses dans la religion sans science et sans apprendre comment on les fait, en vérité, il se fait ressembler aux chrétiens. Et celui qui apprend sans cesse, mais qui ne met rien en application, celui-ci se fait ressembler aux juifs. Ça, c'est concernant l'application. Maintenant, la prêche et l'invitation des autres vers cette vérité, eh bien, en fait, la prêche, c'est le fait d'inviter les gens à tous ceux avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, parmi la charia et la législation d'Allah azza wa jal. Et cette prêche et cette invitation à l'islam doit absolument se faire avec science et clairvoyance. Car Allah azza wa jal dit dans sourate Yusuf, verset 108, « Dis-leur, ô Muhammad, ça c'est ma voix. J'invite et j'appelle les gens à Allah avec clairvoyance. » Que ce soit moi ou ceux qui me suivent. Et gloire à Allah, je ne fais pas partie des polythéistes. Je ne fais pas partie des polythéistes. D'abord, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle les gens avec science. Ensuite, on voit que ceux qui le suivent appellent également les gens avec science. Et que toute personne qui appelle les gens sans science n'est pas un suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, et on voit que les salafs et les sahabas et les tabi'in appellent les gens avec science. Et on voit enfin à la fin du verset, et gloire à Allah, je ne fais pas partie des polythéistes. On voit qu'ils appelaient à quoi, le prophète sallam et ses suiveurs? À l'unicité d'Allah, Azza wa Jal. Cheikh Al-Uthaymeen dit, la clairvoyance, c'est-à-dire que celui qui invite les autres à l'islam ou qui leur apprend une chose dans la religion, il doit absolument connaître et maîtriser ce à quoi il les invite. Numéro 1. Et ensuite, il doit absolument savoir comment on doit inviter les gens à l'islam. Numéro 2. Et il doit absolument connaître la personne qu'il est en train d'inviter à l'islam. Comment elle est, et qui elle est, et sur quoi elle est, et comment est-ce qu'elle réagit, et comment elle est sa personnalité, pour savoir comment l'inviter à l'islam ou bien à une chose dans la religion. Apprendre l'islam, et sur à quoi tu veux inviter les gens. Apprendre comment on fait pour inviter les gens. Pas n'importe comment, pas tu viens, tu dis, hey, fais ça, pas ça. Pas comme ça qu'on invite à l'islam, mais avec sagesse et bonne parole. Et ensuite, connaître la personne à qui tu fais le conseil, pour savoir comment t'y prendre avec elle. Pour savoir comment t'y prendre avec elle. Et les moyens d'apprendre aux gens leur religion sont nombreux, tels que le fait de faire un discours devant les gens, ou encore le fait de faire des conférences, ou le fait d'écrire, de faire des écrits, ou le fait d'écrire des livres, ou le fait de faire des assises de science, d'apprentissage, et le fait de... ou encore le fait de profiter des occasions où l'on est invité, par exemple, en famille ou autre, hein, dans une occasion bien précise. Dès qu'on a l'occasion, il faut toujours essayer, bien sûr avec sagesse et bonne parole, si l'occasion le permet, si la situation le permet, de faire un petit rappel et d'inviter les gens à la vérité que tu connais et que tu maîtrises avec les preuves à l'appui. Et il faut que tu saches que l'invitation des gens à l'islam, et il faut que tu saches que l'enseignement de la vérité et de bonnes choses de la religion aux gens, c'est un rôle noble et c'est une action noble, car c'était la mission des prophètes et des messagers alayhim salatu wassalam, ainsi que de tous ceux qui les ont suivis correctement. Et à partir du moment où l'être humain, le cheikh il dit, à partir du moment où l'être humain a appris à connaître son Seigneur et il a appris à connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à partir du moment où il a appris sa religion et il l'a compris et où il l'a appliqué, eh bien il se doit d'apprendre à ses frères la vérité. Il se doit d'apprendre à ses frères la vérité et de les inviter à cette vérité, de ne pas les laisser dans ce dans quoi ils sont. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, le jour où il l'a envoyé, le jour où il l'a envoyé avec son armée, il lui a dit, marche avec apaisement vers l'armée ennemie. Marche avec apaisement. Et lorsque tu arrives sur le champ de bataille face à eux, eh bien, invite-les tout d'abord à l'islam. Ne les combats pas directement. Invite-les tout d'abord à l'islam. Et informe-leur, informe-les. Et apprends-leur le droit d'Allah sur eux. Et sache que par Allah, si Allah guide un seul homme pour toi, si Allah guide un seul homme de par ta cause, ce jour-là, cela est meilleur pour toi que les chamorroux. Les chamorroux, c'est ce qu'il y avait de plus cher et c'est ce qui avait le plus de valeur à leur époque. C'est comme si tu disais aujourd'hui la dernière voiture, dernier cri qui coûte le plus cher. À l'époque, les chamorroux, c'était la chose que pas tout le monde pouvait se permettre. Taïm, qui s'achetait très cher et qui se vendait très cher et que quasiment personne ne possédait. Taïm. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sache que si une seule personne est guidée de par ta cause dans toute cette armée qui comptait des milliers de soldats, si une seule personne était guidée de par ta cause, cela serait meilleur pour toi que les chameaux. Que les chameaux. Et il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui appelle vers un bien, il a la récompense de toutes les personnes qui le suivent en cela, sans que leur récompense diminue. Et il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui appelle vers un bien, il a la même récompense que celui qui l'applique. Il a la même récompense que celui qui l'applique. Hadith rapporté par un musulman. Wallahu alam, on va s'arrêter ici, inshallah ta'ala. Je m'excuse d'avoir fait un peu long, car je voulais me tenir à une heure et pas plus. Donc le prochain cours, ce sera la semaine prochaine, inshallah, dimanche après Salat al-Dhar. Et je ne serai pas en retard, inshallah ta'ala. Et ça ne dépassera pas une heure, bi'idhnillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilayk. Fika barak.